Bonsoir tout le monde, donc c'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 534. Nous sommes le 21 septembre 2022 et l'album de la semaine, c'est un mini-album, 4 chansons, s'appelle EP3 de Ringo Starr, sorti ben là, il y a quelques jours à peine. On écoutera World Go Round, on écoutera Everyone and Everything, on écoutera Let's Be Friends et Free Your Soul, mais... Comme habituellement, je mets 6 extraits. Eh bien, j'en ai rajouté d'autres. J'ai rajouté Yellow Submarine, mais une version qui n'est pas classique, qui date d'un show américain de Jimmy Fallon, où, dans lequel il s'amuse à faire des chansons avec des instruments de classe. Vous savez, enfin, vous écouterez. Vous verrez bien, c'est plutôt assez marrant. Avec son groupe, Jimmy Fallon. Et il y aurait également See You Later, Alligator, avec une voix un peu trop, avec un peu trop de reverb, sur l'album Songs from Quarantine, volume 2, sorti en 2021. Ah oui, il faut les trouver, les chansons. Son Ringo Starr, je les cherche pour vous. Voilà. Pour le reste, il y aura du Harrison, du Lennon, du McCartney et des Beatles. Pour Harrison, par exemple, My Sweet Lord, la version de 2020. Et il y aura pour Lennon Mother sur l'album Plastic Ono Band. Pour McCartney, ce sera When the Night sur Red Rose Speedway. Quant aux Beatles, ils nous chanteront J'aurais dû savoir. I should have known better. Sur l'album Hard Day's Night de 1964. Quelle si belle année, cette année 1964. Il paraît que des légendes sont nées cette année-là. Il paraît. Bref, je vous souhaite une excellente soirée et on se retrouve dans quelques secondes pour le début de cette émission. A tout de suite. Alors vous allez me dire, ouais, c'est du Ringo Starr classique. Mais attendez, Ringo Starr a 82 ans. Et à cette époque-là, les anciens du genre Frank Sinatra, si, je sais pas lui à quel âge il est décédé, Frank Sinatra, mais enfin c'était dans ces eaux-là, dans sa quatre-vingtaine quelque chose, c'était du sirupeux, c'était du tranquille, c'était du peinard. Alors que là, eh bien, ça reste rock'n'roll, ça reste pas mal du tout, et on en écoutera encore d'autres extraits plus tard dans la saga des Fab Four. La grande surprise de l'année 1970, c'est lui qui passe devant tout le monde, George Harrison, avec ce titre, notamment My Sweet Lord. Lui, John Lennon, alors que le dernier album enregistré par les Beatles était l'album Abbey Road, ne confondez pas, hein. Le dernier album sorti pour l'histoire, c'est l'album Let It Be, mais il a été enregistré avant Abbey Road. Abbey Road, c'est le dernier album enregistré officiellement par les Beatles. Avec force réenregistrement, etc. Lui, il a décidé, John Lennon, de revenir aux bases lorsqu'il fait le Plastic Ono Band et la chanson qu'on va entendre, Mother. C'est vraiment le basique extrême, le retour aux sources. C'est ce qu'il avait envie de faire. C'est un bon album aussi, mais sur un ton complètement différent. Ça sonne. Tiens, hommage à Elisabeth II, tiens. Voici, nous étions en 1973 sur l'excellent album Red Rose Speedway. Sur l'album, vous retrouvez également la chanson My Love, écrite pour sa femme Linda, bien évidemment. 9 ans auparavant, remontons le temps, nous sommes en 1964, je vous l'ai dit, quelle très belle année. Et cette chanson, I Should Have Known Better, est la première chanson du film après le générique et la deuxième de l'album. Elle est jouée durant la scène où les Beatles et le grand-père de Paul, que joue Wilfred Brambell, se trouvent dans un train exilé dans le wagon postal. Ils commencent à jouer aux cartes, puis après quelques séquences, réapparaissent avec guitare, harmonica et batterie. De nombreuses séquences du film ont effectivement été tournées dans des trains, mais celle-ci fut filmée dans des studios de Twickenham. I Should Have Known Better est une chanson étonnamment optimiste pour un titre composé par John. Il l'aime, elle l'aime, et tout va bien. C'est vrai que pour John, c'est un peu surprenant. Why You Love Me Too. Nous avons écouté tour à tour Ringo Starr avec World Go Round, George Harrison avec My Sweet Lord, John Lennon avec Mother, Paul McCartney When the Night, et puis les Beatles I Should Have Known Better. Maintenant, avant de revenir sur Ringo Starr et son nouvel extrait qui s'appellera Everyone and Everything, il faut que je vous parle du meilleur site pour tout savoir sur les Beatles. Ce site, c'est le site de Lovely Rita. Mais qui est Lovely Rita? Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, il vous suffit d'aller sur BeatlesMagazineUK.com. C'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est lu par des milliers de fans à travers le monde et vous avez toute l'actualité des Beatles, y compris celle de Paul et de Ringo. Bref, toute l'actualité, c'est sur Beatles Magazine, uk.com. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même 8 jours, 8 days a week. Aller sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four de façon à pouvoir converser avec moi, converser avec vous parce que vous êtes sur Facebook. Vous verrez également qu'il y a une page qui s'appelle La Saga des Fab Four, les podcasts. Là, vous pouvez retrouver des tonnes de podcasts. Et puis, il y a d'autres façons également d'écouter ça sur... comment ça s'appelle les trucs là sur lesquels on peut écouter iTunes, sur... Je vous le dirai tout à l'heure, d'accord? Parce que là, j'ai un truc important à dire et il faut pas que je me rate. Donc, puisque je ne dois pas me rater, autant le faire maintenant. C'était samedi dernier son anniversaire, mais parce que la saga c'est seulement le mercredi, son mari Guillaume m'a demandé d'attendre un petit peu et de lui souhaiter un très bon anniversaire de la part de toute l'équipe de la saga des Fab Four. Pour Florence, voici la chanson Birthday des Beatles. me pose la question. Why don't we do it in the road? La saga des Fab Four sur la radio des Beatles. À consommer sans modération. Why don't we do it in the road? Now somewhere in the black mining hills of Dakota, there lived a young boy named Rocky Raccoon. And one day his woman ran off with another guy, hitting young Rocky in the eye. Rocky didn't like that, he said, I'm gonna get that boy. So one day he walked into town, booked himself a room in the local saloon. Rocky Raccoon checked into his room, Gideon's Bible. Rocky had come equipped with a gun to shoot off the legs of his rival. His rival, it seems, had broken his dreams by stealing the girl of his fancy. McGill, and she called herself Lil, but everyone knew her as Nancy. Now she and her man, who called himself Dan, were in the next room at the hoedown. A Rocky burst in and grinning a grin. He said, Danny boy, this is a showdown. But Daniel was hot, he drew fast and shot, and Rocky collapsed in the corner. And proceeded to lie on the table. He said, Rocky, you met your match. And Rocky said, Doc, it's only a scratch. And I'll be better, Doc, as soon as I am able. And now Rocky Raccoon, he fell back in his room, only to find Gideon's Bible. Gideon checked out, and he left it no doubt to help with good Rocky's revival. Oh yeah, yeah. Come on, Rocky boy, do. Vous êtes bien sur RIG 90.7, c'est la radio des Beatles, le mercredi entre 20h et 22h. J'espère que vous allez bien. Nous sommes ensemble donc jusqu'à 22h. C'est la saga numéro 534 consacrée au mini-album EP3. Il s'appelle The Ringo Starr, sorti il y a quelques jours. On écoutera donc 4 chansons, plus 2, puisque je mets toujours 6 chansons habituellement, qui sont plus rares et qui sont donc extraites d'autres choses. Pour l'instant, qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, lorsqu'il y a l'album blanc, comme c'est un album double, je mets toujours côte à côte 2 chansons parce que ça me fait plaisir. Je sais que ça vous fait plaisir aussi. Donc nous avons entendu Birthday, dédié à Florence pour son anniversaire, et Rocky Raccoon, dédié à personne, juste parce que j'avais envie de le passer. Nous remontons les années, ou plutôt allons plus loin, et nous passons de 1968 à 1981. George Harrison veut sortir un album et la maison de disques dit non, tes chansons sont pas terribles, faut que tu enlèves celle-là, que tu nous en fasses des plus joyeuses, des plus gaies, des plus sympas. Il est pas content, George Harrison. Alors il s'exécute quand même, il les garde, ces chansons-là, Et il en a sorti certaines sur des faces B ou sur des albums très très rares, comme celle-ci qui est pourtant merveilleuse, qui aurait eu une très bonne place sur l'album de 1981. Elle est extraite d'un album qui s'appelle tout simplement Songs by George Harrison, sorti en 1987. Et le titre du morceau, c'est Lay His Head sur RIG. That's just how true my love was. Partir sur une île déserte, emmener un vélo de façon à produire de l'électricité, emmener un, je sais pas, un lecteur CD si vous voulez, ou un vinyle de façon à pouvoir écouter cet album Ben on the Run, qui est un album qu'il faut avoir dans sa discothèque. C'est l'un des meilleurs albums de George Harrison, non, de Paul McCartney après la séparation. On revient à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est l'album EP3 de la part de Ringo Starr, sorti là, il y a quelques jours. Voici un nouvel extrait, Let's Be Friends sur RG. John Lennon en 1974 sur l'album Walls and Bridges, Surprise, Surprise, Sweet Bird of Paradox. Étonnant, ça rime pas. Éric Gallet, animateur radio. Oui. Un homme et les Beatles. C'est vrai. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Oui. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. Merci. En un mot, le meilleur. C'est exagéré. L'homme qui aimait les Beatles. Et qui vaut au moins 3 milliards. Hein. Pensez-y si vous voulez m'acheter. Sur Érigé, la saga des Fab Four. Une version de 8 Days a Week, des anthologies que j'adore. Érigé, c'est la radio des Beatles. L'histoire des anthologies, c'était que À partir du moment où George Martin s'est rendu compte que les Beatles étaient un groupe qui allait compter, parce qu'ils avaient des tonnes d'idées et qu'ils faisaient des choses vachement bien, il a dit « Vous ne jetez rien, on garde tout ». Donc les anthologies, quelque part, ce sont des versions de travail. On essaye quelque chose, on voit l'arithmétique, si ça marche comme ça, si ça marche comme ça. Et puis, en théorie, on jette. Eh bien là, pour les Beatles, non, on jette pas. Et en 95 et en 96, ils nous ont proposé des versions comme ça, pour les fans, pour ceux qui aiment. Alors, il y en a qui ont découvert en se disant « Ben, c'est pas terrible ». Ben oui, sauf si on connaît la version finale et on se dit « Ben oui, c'est intéressant, c'est une version intermédiaire qui peut être très intéressante ». Et puis, si John était resté là, quand on entend la qualité de « Free as a Bird », quand on entend la qualité de « Real Love » et même celle de la dernière, là, qui va pas m'en revenir, bien entendu, « Now and Then », voilà, eh bien, s'ils avaient pu nous faire un album en entier, qu'est-ce que j'aurais aimé. Allez, on est en 1976 sur l'album At the Speed of Sound, c'est toujours Paul McCartney, et une chanson que j'aime énormément par rapport à la voix douce de McCartney. Ce que j'aime chez Paul McCartney par rapport, on va dire, à des gens de maintenant. Il y a des gens de maintenant qui chantent toujours avec la même voix. Paul McCartney est capable de chanter doucement, de hurler, de faire du rock'n'roll super dur, de moduler sa voix comme il le veut. Bon, maintenant moins, à 80 ans malheureusement. Mais à l'époque, quelle clarté, quelle beauté, quelle voix. Voici She's My Baby sur RG. My baby, she comes out at night. She's taking me by surprise. She's my baby. Like gravy down to the last drop. Mopping her up, yeah, yeah. She's my baby. She's a baby in the morning time when the sleep is in. World is waking up, she has arisen. Oh, believe me, I ain't lying. She's a woman, she's a lady of the evening tide. When the stars are in the skies, that's the time she changes back into a kitten. Oh, believe me, I ain't lying. She's my baby. She comes out at night. She's taking me by surprise. She's my baby. Like gravy down to the last drop. I keep mopping her up. Yeah, yeah, yeah. She's my baby. Well, she's a baby in the morning time when the sleep is in her eyes and the world is waking up. She has arisen. Oh, believe me, I am. She's a woman. She's the lady of the evening tide. When the stars are in the skies, that's the time she changes back into a kitten. Oh, believe me, I ain't lying. She's my baby. She comes out at night, taking me by surprise. Yes, my baby. I keep mopping it up, yeah, she's my baby. La radio des Beatles. I read the news today, oh boy, about a lucky man who made the grade. Chanson, une de McCartney qui commence par Woke up, fell out of bed, drive a comb across my head. Et tout le reste, c'est John Lennon. À la fin, deux pianos ensemble qui font la même note. Et pendant très très très longtemps, un pur morceau de génie. En 1967, sur l'album Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band. À cette époque-là, ce qui était amusant, si on veut, si on l'a vécu à l'époque, ce qui n'est pas mon cas, eh bien, certaines personnes disaient, on n'entend plus parler des Beatles depuis des mois et des mois et des mois et des mois. À mon avis, ça y est, c'est fini. Ils ont plus d'inspiration, c'est fini. Eh ben non, c'était pas du tout ça. Au contraire, ils avaient plein d'inspiration et ils prenaient énormément dedans parce qu'à l'époque, le matériel que j'ai là est peut-être supérieur à ce qu'ils avaient à l'époque. Ils avaient par exemple un 4 pistes, ils étaient obligés de réenregistrer une piste sur une autre piste sur une autre piste. Bref, il y avait un sacré boulot, quoi, c'est ça. Il y avait un boulot complètement dingue. Allez, on revient Une dernière fois, je crois, sur l'album de la semaine, et j'ai trouvé cette chanson très étonnante, rythmiquement parlant. Elle s'appelle Free Your Soul. Il y a deux invités avec Ringo Starr, mais comme je ne connais pas leur nom, je vais être obligé de le lire. C'est Dave Coz et José Antonio Rodriguez. Et le titre du morceau, c'est Free Your Soul, sur RIG, sur l'album EP3 de Ringo Starr. Qu'on ne s'attend pas à un truc comme ça de la part de Ringo. l'avis est unanime sur Facebook. Cette chanson au rythme latino est très très sympa. Ça s'appelle Free Your Soul. Sera érigée dans la saga des Fab Four numéro 534 déjà. Je vous propose la cover. La cover, c'est une chanson que John, Paul, George ou Ringo ont chantée et qui est reprise par quelqu'un d'autre que l'on ne connaît pas ou que l'on connaît. Vous allez voir dans quelques secondes. Et même si eux-mêmes, les Beatles ou les quatre de Liverpool, on va dire, reprenaient à l'époque une cover de quelqu'un de leur père, comme Chuck Berry, des trucs comme ça. Là, il s'agit des analogues. Pourquoi j'ai choisi les analogues? Parce qu'ils vont passer à Bordeaux très très bientôt, et ils vont passer avec l'album Abbey Road, que je n'ai pas. Mais je voulais vous montrer quand même la teneur de ce groupe-là, puisque voici Strawberry Fields Forever, en live par les analogues. C'est la cover de la saga des Fab Four. Voir les analogues, et bien pressez-vous, ce sera le mardi 27 septembre septembre 2022 au théâtre Femina. Et là, je ne peux pas voter s'il reste des places, mais renseignez-vous. Le mardi 27 septembre au théâtre Femina à Bordeaux, donc les Analogues, et je pense que ça vaut le coup d'oreille. C'est la radio des Beatles. Du deuxième travail solo de Paul McCartney quand il a lâché les Wings, il a fait McCartney 2 et après pendant le confinement il a fait McCartney 3 beaucoup plus tard. La chanson que je vais vous faire entendre, c'est en réaction à ce qui s'est produit il y a peu de temps. Il a été invité sur scène, McCartney, il a dit « Cette chanson-là, je crois que je ne l'ai jamais chantée depuis sa création. On va vous la faire pour vous ce soir. » Et heureusement qu'il a été appuyé par Chrissie Hynde qui a fait les trois quarts du boulot parce que ça faisait peine à entendre. Forcément, c'était le moment où, en 1969, McCartney était au meilleur de sa voix. Et « Oh, darling », ça passe pas en 2022, mais en 1969, si. Oh, darling. Surely you're not happy now, you no longer play questions, lost in confusion. Well, I tell them there's no problem, only solutions. Well, they shake their heads and look at me as if I've lost my mind. I tell them there's no hurry, I'm just sitting here doing time. I'm just sitting here watching the wheels spin round and round. I really love to watch them roll. No longer riding on the merry-go-round. I just have to let it go. Oui, il ne s'agissait pas de la version de 1980 de l'album Double Fantasy, mais de la version qui paraît sur la bande originale du film Funny People, sorti en 2009. C'est Watching the Weasel dans une version acoustique plutôt sympa. Je vous ai dit en début d'émission que, puisque je n'avais pas assez de matériel pour faire les 6 chansons extraites de l'album de la semaine, puisqu'il n'en a sorti que 4, eh bien, je vous mettrai 2 chansons inédites, introuvables, difficiles, rares, on va dire, ouais, plutôt rares. En voici une qui vient du show de Jimmy Fallon en 2019. Il s'amuse quelquefois avec son groupe qui s'appelle les Roots, de se mettre dans une classe avec, je sais pas si vous imaginez, les petits instruments qu'ont les gens d'école primaire, quoi, enfin bref, écoutez ce que ça donne, c'est plutôt rigolo. Voici Yellow Submarine avec les instruments d'une classe. Dans un peu moins de 30 minutes, ce sera Eric et sa fantastique émission Johnny de A à Z. Ebony,

C'est une version légèrement différente que je vous propose, la version de John Glenn. Et celle-ci aussi est plutôt marrante. C'est sur les anthologies, sur les singles. Voici This Boy, mais un peu différente. Un peu ratée, on va dire. You back again. That boy. What happened? I was just thinking of that. That boy. I just went dead loud on one day. Oh, come on. Gonna have stirrups anyway. chanson que j'adore sur l'album Simple Fantasy en 1981. Non, Eric Buffessing, c'est Double Fantasy, puisque la moitié des chansons sont celles de Yoko Ono. Mais je sais pas, je les ai jamais écoutées vraiment, j'ai écouté que celles de John Lennon. Je vous assure que j'ai écouté vaguement, légèrement les chansons de Yoko Ono, mais elles ne méritent pas de passer dans la saga, donc elles ne passeront jamais. Voici le dernier extrait de l'album, alors non pas de l'album de la semaine, mais du bonus sur l'album de la semaine. Je trouve qu'il y a trop d'écho, trop de quelque chose dans la voix de Ringo. C'est « See you later, alligator » sur RG. Traveling on a wing and a prayer.

qui ne s'y attend pas. On va finir à l'heure. Merci d'avoir écouté cette émission, la saga des Fab Four. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Merci aux nouveaux, hein. C'est impressionnant le bond qu'on a fait en quelques mois. J'espère que vous êtes contents. Il y a plein de podcasts à découvrir. Et dans quelques minutes, dans quelques secondes, ce sera Eric et son émission Johnny de A à Z qui est largement aussi passionnante, voire même davantage. À très bientôt. Salut.